بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue إن شاء الله تعالى cette série lecture cette série de lecture de fatwa de Cheikh du très savant Ibn Baz رحمه الله تعالى concernant la prière. Et donc ici on voit que l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il fut interrogé concernant un hadith. Quel est ce hadith ? Ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Ce que vous avez pu atteindre de la prière, alors priez-le, accomplissez-le. Donc ce que vous avez pu atteindre de la prière avec l'imam. Donc là on parle d'une personne qui arrive en retard. L'imam, il a déjà fait 2 unités, la personne, elle arrive à la 3e unité. Ce que vous avez pu atteindre de la prière, accomplissez-le, priez-le. Et ce que vous avez raté, alors complétez-le. La personne qui interroge l'imam Ibn Baz, elle demande, qu'est-ce qui est cité dans le hadith ? Est-ce que c'est fait atimmu ou alors faqdou ? Qu'est-ce qui est cité dans le hadith ? Est-ce que c'est alors compléter la prière ou alors rattraper la prière, parce que les deux sens sont différents. Le fait de compléter, c'est-à-dire, donc avant de citer la réponse de Cheikh, il faut déjà qu'on comprenne bien la question et qu'est-ce que cela implique. Le fait de compléter, ou du moins on commence avec le fait de compléter la prière, une personne, comme on a cité tout à l'heure, elle arrive à la 3e unité. Donc l'imam fait sa 3e unité, pour la personne c'est sa 1ère. L'imam fait la 4e unité, pour la personne c'est sa 2e. Et ensuite l'imam il fait le taslim, il finit la prière. La personne elle se lève et elle complète, puisqu'on a dit, donc dans la question, on hésite entre deux termes, est-ce que c'est compléter ou rattraper. Et donc lorsqu'on parle du fait de compléter, la personne complète. C'est-à-dire que là maintenant elle va faire sa 3e unité. Et ensuite la 4e. On prend l'exemple de l'Isha, la prière de l'Isha. Tu arrives 3e unité. 3e unité se fait à voix basse. La 4e unité aussi se fait à voix basse. Ensuite l'imam il passe, il fait le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu te lèves pour compléter ta prière. Est-ce que tu vas continuer à voix basse ou à voix haute ? Si tu dis que tu vas compléter, eh bien à ce moment-là, tu vas continuer à voix basse aussi, parce que tu complètes. Là, c'est ta 3e unité. La 3e unité se fait à voix basse. Et c'est la 4e ensuite. La 4e unité aussi se fait à voix basse. Maintenant, le deuxième sens qui a été cité dans la question, est-ce que c'est le fait de rattraper ? Parce que si on dit que c'est le fait de rattraper, c'est autre chose. La personne, elle a fait 2 unités avec l'imam dans Salat al-Isha. Les 2 unités, c'était la 3e et la 4e. Et c'était 2 unités qui se font à voix basse. Lorsque l'imam, il finit la prière, la personne se lève et elle va rattraper ce qu'elle a raté, c'est-à-dire la 1ère et la 2e unité qui se font à voix haute. Et donc la personne, après s'être levée, après que l'imam ait fait le taslim, la personne va se lever pour rattraper sa 1ère unité et sa 2e unité. D'où la divergence qu'il y a entre les savants sur ce sujet. Et donc le Cheikh Ibn Baz, il a interrogé concernant ce sujet. Est-ce que c'est compléter ou rattraper qui est cité dans le hadith ? Il répond l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, « Ja'a hadha wa ja'a hadha, ja'a fa'atimmu wa ja'a faqdu. » Il dit que les deux ont été rapportés, c'est-à-dire les deux ont été rapportés de manière authentique. Il a été rapporté, alors compléter la prière, et il a aussi été rapporté, alors rattraper. Je traduis ici par rattraper, mais on va voir ce que le Cheikh il nous dit. Il nous dit fait l'aksar wal aksar fait atimmu. Et la majorité, c'est-à-dire la majorité des narrations, cite le fait de compléter la prière. Et on a Al-Hafiz ibn Abd al-Barr qui a fait l'explication du Muwatta de l'imam Malik. Et donc ça, il fait partie des savants du madhhab malikite. Il cite effectivement que la majorité des narrations stipulent le fait de compléter la prière, pas le fait de rattraper. Et ici, le Cheikh Ibn Baz, il nous ramène une information très importante. Il nous dit « Wa ma'na faqdu huwa fa'atimmu ». Wa ma'na fa'atimmu. Il nous dit le sens du mot « faqdu » que j'ai traduit au début par le fait de rattraper, avec toutes les conséquences que ça entraîne. Il nous dit le sens de ce mot-là, « faqdu », c'est pas rattraper. Le sens de ce mot-là, c'est le fait, c'est le même sens que compléter. C'est le même sens que compléter. Et donc ici, barakallahu fikoum, avant de continuer à lire, juste un point dans la langue arabe pour que tout le monde comprenne ce qui se passe ici, c'est que les mots dans la langue arabe vont avoir plusieurs sens. Un mot va avoir plusieurs sens dans la langue arabe. Et le sens du mot va apparaître dans le contexte. Et donc il est très important de bien regarder les différents sens des mots. Et parfois dans la sunna, on va avoir un mot qui va être cité et un autre mot dans une autre narration qui va l'expliquer. Et donc c'est comme si le Cheikh Ibn Baz il nous dit le terme faqdu a été cité, faqdu qui veut dire, qui peut vouloir dire compléter ou qui peut vouloir dire rattraper. Mais les gens l'utilisent, ils comprennent plus le fait de rattraper. Mais les autres narrations qui citent clairement le fait de compléter nous montrent que ce qui est voulu par faqdu, c'est compléter, c'est pas rattraper. Parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la sunna. Il n'y a pas de contradiction dans la sunna. Il continue son argumentation, le Cheikh Ibn Baz, il nous dit فَالَّذِي فَاتَتْهُ الصَّلَاتُ مَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ وَمَا يَقْضِيهِ فَهُوَ تَمَامُهَا. Et donc, il nous dit, et donc celui qui rate sa prière, c'est-à-dire celui qui rate une partie de sa prière, ce qu'il a pu accomplir avec l'imam, c'est le début de sa prière. Tu as pu accomplir avec l'imam la troisième et la quatrième unité ? Eh bien, pour toi, c'est le début de ta prière, c'est la première et la deuxième. Tu as pu accomplir avec l'imam que la quatrième unité ? Pour l'imam, c'est la quatrième, pour toi, c'est la première. Il nous dit, et ce que la personne va rattraper par la suite, ce que la personne va rattraper par la suite, c'est tout simplement le fait de compléter sa prière. Et donc, ça sera la troisième ou la quatrième, ou alors la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ensuite, le Cheikh, il nous montre des preuves. Que le verbe « qada » qu'on a traduit au début par « rattraper » peut avoir le sens de « compléter ». Il nous montre cela. Des preuves du Coran, des versets du Coran dans lesquels on voit que le mot « qada » a le sens de « atam » « rattraper ». Il nous cite le premier verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala « فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهِ » Lorsque vous terminez complètement la prière, alors faites le rappel d'Allah. Lorsque vous terminez complètement la prière, lorsque vous complétez la prière, faites le rappel d'Allah. Ici, le verbe qada qui a été utilisé, ce qui est voulu ici, ce n'est pas le fait de rattraper. C'est pas lorsque vous avez rattrapé la prière. Non, c'est lorsque vous avez fini. Lorsque vous avez complété la salat, quand est-ce qu'elle est finie? C'est quand tu l'as faite complètement. Quand tu l'as complété ta prière. Il nous dit il nous dit le sens qui est voulu ici, c'est lorsque vous avez fini complètement la prière. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans un autre verset, le Cheikh il cite le deuxième verset, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullah. Lorsque vous terminez complètement vos rites, alors faites le rappel d'Allah. Et donc ici, ce n'est pas lorsque vous rattrapez vos rites, c'est lorsque vous les terminez, lorsque vous complétez tous les rites du pèlerinage. Alors faites le rappel d'Allah. Et donc ici, barakallahu fikoum, on voit très bien que le terme qada va être utilisé avec le sens etem. Et voilà pourquoi l'avis le plus juste, comme l'a clairement montré le Cheikh ici, c'est que la personne qui a raté une partie de sa prière avec l'imam, alors, ce qu'elle a pu faire avec l'imam est le début de sa prière. Et ce qu'elle va rattraper ensuite est la suite de sa prière qu'elle va compléter. Elle complète sa prière et donc ce qu'elle a fait avec l'imam, la première unité qu'elle a fait avec l'imam va être sa première unité à elle et pas sa quatrième ou sa troisième, comme donc